à faire. Autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool! Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détails de l'offre sur citroën.fr. Il est 9h30, je vais attendre que Julien Courbet ait raccroché son téléphone. Oui. Et normalement, nous, du coup, on pourrait raccrocher l'antenne par la même occasion. C'est fini votre conversation, mon petit bonhomme ? Eh bien, j'étais justement en train de dire je vais être obligé de raccrocher parce que j'ai Yves Cavill qui me parle. Elle me dit oui, mais alors, c'est ce Yves Cavill est plus important que moi. Alors, j'étais en train de négocier, excusez-moi. Comment ça va ? Très bien. C'était, je prenais des nouvelles du bac de Géo. Ah oui, alors ça, voilà, c'est très important. Moi, ma fille le passait ce matin. Je l'ai fait un peu réviser. Je lui ai dit allez, tiens, voyons si tu connais. Et quel est l'endroit en France où on trouve le plus de blé ? Elle m'a tout de suite répondu dans le sac de maman et je lui ai dit, ok, tu es prête chérie, tu vas la voir. Alors ça c'est sûr, voilà. Je pense qu'on peut viser une bonne mention à ce niveau-là. Je pense qu'elle devrait avoir une bonne note. Bon, on soutient la famille Courbet. Merci dans cette beaucoup, épreuve Maurice. Du baccalauréat. Allez, bonne émission. Bonne émission. Bon, ben alors mine de rien, on a un truc à faire, donc si j'ai bien compris. Moi j'étais là pour discuter un petit peu. Ben oui, mais c'est une spéciale voyage, je préfère vous le dire. Donc nous allons parler voyage et vous donner aussi plein de conseils avant de choisir votre agence, savoir comment vous allez être remboursé s'il y a un pépin. On parlera aussi des grèves. Enfin bref, on a beaucoup de missions. Les voici. Nous commencerons par Sandrine. Je vous appelle de l'Essonne. Suite à une réservation d'hôtel sur un site internet, je reçois 10 000 emails par jour de ce site. En tout, j'en suis à 107 000 mails de ce site sur ma boîte mail professionnelle. Et ce site serait incapable d'arrêter ce cauchemar. Inutile de vous dire quand elle a un vrai mail perso que pour le trouver au milieu des 107 000, c'est pas évident pour elle. Liliane nous dira ceci. Je vous appelle de Paris. Mon fils a réservé un séjour plus un hôtel à Marrakech au Maroc. Je voudrais le remplacer pour ce séjour. Le site était d'accord. Une fois sur place, l'hôtel n'a pas donné suite. Le site n'a pas fait de réservation. Ils n'ont pas fait le changement de nom ni rien et je me suis trouvée sans rien. Et puis il y aura également un cas immobilier avec René. Je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Je suis un propriétaire avec un appartement et deux locaux commerciaux. Ces biens sont gérés par une agence immobilière qui me doit actuellement 3 429 € de loyer. Et pour régler tout ça, nous avons tout d'abord notre avocate qui vient de tousser dans le coin du studio discrètement, mais pas suffisamment puisque nous l'avons entendu, Maître Fellono. Bonjour à tous. Bernard Sabat est avec nous. Bonjour Julien, bonjour Charlotte à tous. Charlotte est au standard. Bonjour Julien. Toutes les équipes sont là. Je vous présente mon invité dans une seconde pour notre fil rouge voyage. Vous avez choisi la radio numéro 1 RTL. Alors avant d'attaquer le premier cas, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre au 3210 ou bien sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer, faut appeler Julien Courbet. Et nous retrouvons une vieille connaissance, Emmanuel Toromanoff, avec qui nous avons fait des tas d'émissions il y a quelques années. Comment allez-vous ? Très bien, Julien, j'ai envie bonjour. De vous dire, alors toujours dans le métier. Toujours là, oui, toujours là. C'est gentil, déjà, vieille connaissance, ça commençait bien. Oh bah toujours dans le métier, non mais c'est parfait. Il est le secrétaire général de l'APST. Alors que l'APST, c'est cette association qui, vous le savez, garantit les agents de voyage. Et nous verrons pourquoi il est nécessaire, quand vous choisissez un agent de voyage, de choisir un agent de l'APST. Vous allez tout savoir, parce que s'il y a un pépin, vous êtes sûr d'être rapatrié, remboursé, il nous expliquera tout ça. Mais tout de suite, un premier cas d'école. Assez inattendu, celui de Sandrine qui est en ligne avec nous. Sandrine, bonjour. Bonjour Julien. Vous nous appelez d'où Sandrine ? De l'Essonne, dans le 91. Vous avez bien fait d'habiter là-bas, c'est un très beau département, mais ce n'est pas pour ça que vous nous appelez. Vous allez nous appeler de ces emails, nous parler de ces emails. Allez-y, expliquez bien. Alors en définitive, je réserve à titre professionnel un hôtel sur Deauville pour faire un salon. Par le biais d'un site internet. Et depuis cette réservation que j'ai faite le 2 mai, je ne cesse de recevoir des emails de cette entreprise. J'en suis aujourd'hui à un peu plus de 107 000 mails. Alors, est-ce que je peux vous demander ce qu'ils vous demandent ? Est-ce que ce sont des mails différents ou c'est toujours le même ? C'est toujours le même mail qui revient. On a l'impression qu'il est bloqué dans les tuyaux chez eux. Et il vous dit quoi ce mail ? Eh ben, c'est une publicité. Ah, pour partir où ? Un peu où je veux. J'ai plusieurs destinations proposées. Alors, mon conseil, Sandrine, partez une fois pour toutes. Comme ça, ils vous laisseront tranquille. Donc, vous les avez appelés, je suis... On rappelle, 107 000 mails, Maître Fellono. 10 000 mails par jour. Donc, inutile de vous dire que c'est impossible d'avoir une boîte mail, puisque vous ne pouvez pas retrouver vos mails ou professionnels ou perso au milieu de tout ça. Ben, c'est pas que je peux pas les retrouver, c'est qu'en définitive, ils prennent tout mon espace et que je ne peux plus les recevoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je retire des mails de chez eux, puisque j'ai fait une manipulation qui m'a permis de mettre ce mail dans les indésirables, mais en revanche, il prend quand même toute la structure, la capacité de ma boîte mail, et du coup, je ne peux plus recevoir d'autres mails. Alors, quand vous avez appelé cette entreprise de voyage, que vous ont-ils répondu ? Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été des fois gentilles, d'autres beaucoup moins. Et la dernière en date m'a tout simplement dit que ça n'était pas une adresse qui était gérée par chez eux et qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est quand même très bizarre quand même. Alors, on va juste expliquer qu'il s'agit de nos amis de Booking.com. Rappelez-nous, Booking.com, énorme société qui distribue du voyage. En quoi ça consiste exactement ? Ils vendent des hôtels un petit peu partout dans le monde. Ils ont énormément de références, Julien. Et c'est étonnant qu'ils ne trouvent pas de solution informatique. Car je vous rappelle, et c'est important pour notre auditrice, c'est que dès qu'elle annule, parce qu'elle pourrait le faire toute seule, elle annule par exemple 5000 mails, Julien, tout de suite, quand c'est annulé, hop, ça revient et donc elle n'a plus de mémoire à chaque fois. C'est dramatique. Alors, Maître Fellonneau. Alors, effectivement, notre auditrice a tout fait de son côté pour vérifier si ça venait pas de chez elle. Donc, son ingénieur informatique a vérifié son ordinateur, ses logiciels. Ça ne vient pas de chez elle, ça vient de l'expéditeur. L'expéditeur, donc, c'est ce gros groupe qu'on a cité, mais qui nous dit, ah ben finalement, enfin, qui a dit à l'auditrice, ah, c'est pas moi, c'est un autre. Et en fait, de l'autre, effectivement, j'ai vérifié dans l'adresse de l'expéditeur. Eh bien, figurez-vous que je tombe que c'est sur une marque et que cette marque appartient à ce groupe de voyage. D'accord. Et donc, ils ne peuvent pas s'échapper. En outre, c'est un prestataire qui leur appartient puisqu'il fait de la pub pour qui eux. Qui est la marque ? Alors, la marque qui envoie ça, enfin, le nom du site qui envoie ça, c'est bstatic.com et ça appartient à Booking.com. Donc, de toutes les façons, ce serait un prestataire étranger, c'est sous la responsabilité de Booking. Si son prestataire fait n'importe quoi, c'est à Booking d'en répondre, même s'il a un recours contre lui. Nous, on s'en moque, il faut que ça cesse parce qu'elle est en train de pourrir son ordinateur qui va arriver à saturation, il lui reste 3% de mémoire. Voilà. Sandrine, nous allons les appeler dans quelques instants et vous allez leur lire les 110 000 mails pour qu'ils comprennent bien qu'il y a un problème. Préparez-vous à les lire, ça se passera dans une seconde. Charlotte, vous avez quelque chose à rajouter ? Je précise quand même que c'est une boîte mail professionnelle, donc c'était essentiel puisqu'elle ne peut plus travailler. Elle a une entreprise de métallerie ferronnerie d'art et elle ne peut plus recevoir les plans de ses clients. Ah, effectivement, vous avez bien fait de prendre la parole. Vous ne la prenez pas souvent, mais quand vous la prenez, c'est intéressant parce que donc du coup, vous ne pouvez plus recevoir. Vous avez donc dû créer quoi ? Une deuxième adresse ? Sandrine ? C'est-à-dire que je suis, en plus de ça, c'est une nouvelle adresse que nous avons diffusée il y a très peu de temps, puisque nous avons changé de nom. D'accord. Et du coup, on se retrouve à ne plus pouvoir utiliser cette adresse mail. Chère madame, je vous ai écrit pour avoir de la ferronnerie. Vous me proposez de partir à Cuba 15 jours, c'est pas du tout ce que je voulais. L'intitulé du mail, ça fait rigoler, parce qu'il y a marqué « Bonjour, profitez de ce dimanche pour prévoir vos vacances prochaines ». Oui, d'accord. Allez, Sandrine, on appelle dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Nous allons essayer de régler ce problème. Et puis, je poserai les premières questions à mon invité Emmanuel Toromanov, secrétaire général de l'APST. Vos vacances approchent. Choisir une agence, oui, mais laquelle ? Et qu'est-ce qui me garantit mon voyage ? Il répondra à toutes ces questions. Il est en train de se renseigner d'ailleurs sur les réponses. On en saura plus dans quelques instants. Il est en train de lire Le voyage pour les nuls qu'il a pu acheter ce matin en partant et il est en train de faire un petit topo. Vous voyez, il y a des choses qui ne changent pas dans la vie, monsieur Toromanov. On prend toujours tout ça avec bonne humeur. Merci, Julien. Ça sera très sérieux. À tout de suite. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500€ en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Vous êtes bien sur RTL, première radio de France. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, eh, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Leclerc. Dites donc, Philippe, on prépare l'été à ce que je vois. Ah, ça ? Oui, de la 1664 en pack de 24 bouteilles avec 30% de remise immédiate en ce moment chez Leclerc. De la 1664 en promo ? Eh oui. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pack de 24 bières 1664 de 25 centilitres avec 30% de réduction immédiate est à 7,91€, soit 1,32€ le litre. Voir modalité et magasin participant sur www.1.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et 30% sur de la 1664, ça en fait des économies. C'est pas faux. Dites donc, vous. Moi, madame Latsou ? Bah oui, vous. Vous savez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut. Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein. Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'appel est lancé, nous appelons Booking.com puisque je vous rappelle que Sandrine reçoit de la part de Booking.com 10 000 emails par jour, elle en est à plus de 100 000, c'est sa boîte professionnelle qui reçoit ça, sa boîte mail. Donc inutile de vous dire que ça lui pose pas mal de problèmes. Cet appel peut être enregistré pour améliorer la qualité de nos services. Eh bien, merci de bien vouloir vous munir de votre numéro de réservation et de votre code confidentiel. Mais du coup, vous avez ça ? Il se trouve en haut de votre email de confirmation. Alors, allez-y. Si vous souhaitez annuler votre réservation, appuyez sur la touche 1. Alors, ce que je vous propose, Charlotte, si vous récupérez l'appareil. Dès que quelqu'un nous répond, vous le basculez sur l'antenne par une petite alerte, ce qui me permet de poser la première question à Emmanuel Touroumanoff, qui est, je vous rappelle, secrétaire général de l'APST. Pouvez-vous déjà, en deux mots, s'il vous plaît, Emmanuel, rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que l'APST ? Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est des agences de voyage, mais l'APST, on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, pour vendre du voyage à forfait en France, je vous rappelle qu'il y a deux types de voyages, parce qu'on parle de voyage, mais c'est un peu général. C'est ce qu'on appelle des voyages à forfait. Vous achetez plusieurs prestations combinées, et là, vous avez plus de garanties. Si vous achetez un billet sec, juste un billet d'avion, vous n'avez pas de garantie. Par contre, quand vous achetez un forfait, normalement, l'opérateur doit être immatriculé. Et donc, à ce titre-là, possède une garantie financière. Alors ça, c'est déjà le conseil que donne souvent Bernard. Toujours conseiller d'acheter un forfait, c'est-à-dire prendre un billet d'avion et rajouter soit une location de voiture, soit une nuit d'hôtel, etc. Ce qui permet, en fait, d'être remboursé s'il se passe quoi, par exemple ? La défaillance financière de l'opérateur de voyage concerné. D'accord. La faillite, ce qu'on appelle généralement la faillite. D'accord. Donc vous garantissez les agences qui vous ont donné certainement une cotisation et qui ont le logo APST. Ça veut dire que si je rentre dans cette agence-là et que ou l'agent ou le tour opérateur ou quoi que ce soit est défaillant, vous me faites revenir chez moi ou vous me remboursez ? Alors Julien, vous rentrez dans l'agence, vous achetez. C'est votre argent que vous avez donné à l'opérateur chez qui vous avez acheté votre voyage qui est garanti. D'accord. Votre argent à vous. Après, si le tour opérateur chez lequel votre distributeur a acheté un voyage fait faillite, c'est la responsabilité de votre distributeur. Vous avez un guichet unique, vous avez une personne que vous connaissez, c'est le vendeur de votre voyage. D'accord. Vous ne connaissez personne d'autre. Et comment on reconnaît une agence alors qui est APST ? Avec la coccinelle, Julien. Elle est toujours là, cette coccinelle. Elle est toujours là, elle a changé. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont changé. Mais on a changé, on a rajouté un T depuis. Bon, alors vous regardez bien, donc, elle est visible, hein, franchement, parce que c'est très important. Vous voyez plusieurs agences, il y en a une qui est la coccinelle, vous rentrez dedans parce que vous avez énormément de garanties si jamais il y a un souci. Vous aviez une question à poser, Maître Fellono ? Le T, c'est pourquoi ? Le T, ah oui, vous avez rajouté le T. Alors, c'est pour tourisme. Tourisme, oh, très fort. Au départ, j'ai cru que c'était pour moi, pour Touroumanoff, mais non, c'était pour tourisme. Mais vu l'ascension que vous avez dans cette société, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez une petite idée derrière la tête et que très rapidement ce thé devienne Touroumanoff. Nous aurons d'autres questions bien sûr à vous poser, les précautions à prendre quand on s'inscrit notamment pour un voyage et bien d'autres. Où en est-on du côté de nos amis de Booking.com s'il vous plaît ? Tous les interlocuteurs parlant français sont occupés, donc on nous propose de nous passer quelqu'un en anglais. J'ai préféré patienter un petit peu plus longtemps. Je pense que vous privez les auditeurs d'un bon moment de radio, donc vous allez rectifier et prendre anglais et nous allons retrouver Bernard Sabat. J'en profite pour dire à Emmanuel Touroumanoff, vous qui connaissez Bernard Sabat, peut-être qu'on peut le retrouver Xavier Kassovitch un jour. Je le dis, alors beaucoup d'auditeurs fidèles le savent, nous avions appelé En Égypte parce qu'un bus s'était arrêté dans une boutique avec tous les clients et bref, il y avait eu des problèmes. Et donc on avait appelé cette fameuse boutique où le bus s'était arrêté. Et là, Bernard nous dit, je sais parler anglais, ai-je une raison d'en douter ? Non ! Donc je lui dis, écoute Bernard, vas-y, fais-le. Grave erreur. Je vous demande de bien écouter cet anglais. Bon, c'est la méthode, la vieille méthode. Hein. 6000. We are on the radio, Mr. from the boutique Madaba Arts Handicraft. Thank you to answer about the information that you gave to us. Please write very quickly. Alors, je tiens à le dire maintenant parce que on en rit, mais à la fin de la conversation, l'interlocuteur s'est donné la mort. pensant qu'il était insulté et qu'on lui faisait de graves menaces. Nous allons nous merci retrouver. Merci Julien, mon épouse écoute. Dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Avec un deuxième cas, il s'agira Charlotte 2. Il s'agira de Liliane. Son fils avait réservé un séjour au Maroc. Il n'a pas pu y aller, donc il a offert le séjour à sa mère. Le site devait avoir fait le changement de nom, mais sur place, on lui refuse l'accès à la chambre. Emmanuel Touromanoff, on va être obligé de parler des grèves, puisqu'on l'a appris hier. Je crois qu'il risque d'y avoir un peu de grève en ce qui concerne les départs en vacances. Alors vous allez nous dire ce que le voyageur peut attendre d'un remboursement, d'un report, etc. Après avoir écouté ce duo Eddie Mitchell qui a demandé à ses amis de chanter avec lui ses plus grands standards et notamment l'esprit Grande Prairie. C'est l'album La Même Tribu et c'est bien sûr sur RTL. Tranquille et la tête ailleurs, c'était un petit rêveur. Dans la vie on rend les enfants, obéissait gentiment. Mais lui faisait ses petites bricoles au lieu d'aller à l'école. On sentait par ses éléments qu'il était différent. Il était loin, loin, loin, loin. Et puis vint dans mon cœur les mois. L'amour qui nous envole. Baby doll, je suis à toi, comme le chantaient mes idoles. Mais elle voulait petit bébé et la jolie maison neuve. Et lui son regard déjà était de l'autre côté du fleuve. Il était loin, loin, loin, loin. En parlant Jean aux agents, en lisant les circulaires, il rêvait souvent le vent, soulevant la poussière. N'était là qu'à moitié. L'histoire dit que j'avais pris l'esprit Grande Prairie. Il était loin, loin, loin, loin. Il était loin, loin, loin, loin. Eddie Mitchell et Pascal Obispo, vous l'avez entendu, alerte, je suppose donc que c'est sur le cas de Booking.com qui envoie 10 000 mails par jour, par erreur bien évidemment. On se doute bien qu'un employé ne se dit pas ce matin, tiens, je vais envoyer 10 000 mails, voyons à qui. 100 000 en tout, qui est en ligne? Nous sommes en ligne avec Booking.com. Allô Booking.com? Allô? Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous appeler madame, car nous avons une auditrice qui reçoit de votre part 10 000 emails par jour. Elle en est à 107 896 mails. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un pour que l'on puisse, c'est sa boîte professionnelle en plus, donc c'est une catastrophe pour elle, pour que l'on puisse avancer dans ce dossier? Il n'y a pas de souci, gardez la ligne NSTON s'il vous plaît. Avec plaisir. Nous allons donc récupérer l'accent hollandais, c'est ça ? Oui, je sais pas. Je pense. Bon, c'est parfait. C'est génial. Donc Sandrine, vous patientez, nous allons attaquer le cas numéro 2 dans une seconde. On va tout de suite, parce que je pense que ça intéresse vraiment nos auditeurs, parler des grèves. Emmanuel Toromanov, vous êtes le secrétaire général de la PST, c'est cette petite coccinelle que l'on voit sur les vitrines des agents de voyage, et il faut choisir en particulier ces agents de voyage, car ils sont garantis. Qu'est-ce qui se passe donc si j'ai pris un voyage, un forfait, et que là j'apprends que ou la SNCF ou la compagnie française fait grève? Alors c'est la responsabilité de votre opérateur de voyage qui vous a vendu le forfait de trouver une solution, ou du tour opérateur qui a concocté le forfait. Il est responsable en quoi? C'est-à-dire, c'est pas un cas de force majeure? Alors, on ne peut pas vraiment dire que la grève soit un cas de force majeure, puisqu'il y a quand même des préavis qui sont déposés, on sait qu'elle arrive, c'est pas quelque chose qui est imprévisible et qui... Donc si par exemple, là je lis qu'il va y avoir un préavis, je dis n'importe quoi, le 15 juillet, qu'on me vend quand même un voyage, je pourrais dire à l'opérateur éventuellement, vous auriez pu me prévenir qu'il y avait grève, et alors, donc... il est possible que l'opérateur ne vous vende pas la compagnie nationale pour le début juillet. D'accord. Il vaut mieux l'éviter, ceci étant dit, s'il y a des préavis grèves. Je pense que ce serait... plus facile. Je rappelle qu'avec votre épouse, vous mettez un service vous-même avec une petite camionnette où vous emmenez les gens en vacances. Je donnerai votre portable, celui de votre épouse, tout à l'heure. Alors, bien sûr, et vous l'avouez honnêtement, c'est pas le grand luxe, hein, c'est un petit Kangoo avec quatre sièges à l'intérieur. Ouais, et ça suffit. Il emmène comme ça les gens qui ont besoin de se déplacer. Bon, en tout cas, ceci étant dit, j'espère qu'au moins on permettra aux gens qui méritent de partir en vacances et qui ont trimé toute l'année de bénéficier de ce voyage qu'ils attendent avec impatience. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Élever seul ses enfants, ça arrive. S'occuper d'un parent dépendant, ça arrive. Faire face à une maladie grave, ça peut arriver aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez à votre vie personnelle ou professionnelle. Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimer avec deux M, c'est vous permettre d'accompagner vos salariés dans leurs difficultés, grâce à plus de 200 experts en action sociale. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Les vacances approchent, vous allez bientôt pouvoir tout oublier. Tout, sauf la sécurité. Heureusement, Feu Vert et Michelin vous accompagnent dans les moments qui comptent. Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin, jusqu'à 80 euros offerts. Oui, 80 euros. Et 9 clients sur 10 qui recommandent Feu Vert, c'est ça la patte de l'expert. Modalités sur feuvert.fr. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Paris-Île-de-France. Depuis plus de 60 ans, la société Andrézy produit des confitures d'exception en utilisant que les meilleurs fruits, mais surtout en perpétuant des modes de fabrication ancestraux comme la cuisson dans des chaudrons en cuivre. Un savoir-faire transmis de génération en génération jusqu'à Julia, Laure et Bruno. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits et ils sont aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Ralentir, freiner, vous arrêter. À chaque déplacement, le système de freinage de votre Peugeot est constamment sollicité. Son efficacité repose sur son état irréprochable. Alors, pour rester maître de votre véhicule à chaque instant, venez faire vérifier vos freins par les experts Peugeot. En ce moment, chez Peugeot, bénéficiez de 25% de remise sur les disques et plaquettes de frein. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Écoutez. Vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, chez Lidl... Arrête de chipoter là. Eh ben justement, en ce moment, les 18 chipolatas supérieurs boyaux naturels sont à 5,49€, moins 21%. 5,49€ des chipolatas supérieurs, les 18. Ah oui, et du pour origine France patron, hein. Et à 31 centimes la chipo, eh ben pour notre barbecue ça serait... La barbe, j'annule le barbecue. Non. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,49€ la barquette d'un kilo, produit transformé en France, offre valable. valable jusqu'au mardi 26 juin. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, Céline vient de nous rejoindre et elle va nous rappeler ce qui s'est passé dans le cas de Sandrine. Donc Sandrine a réservé un hôtel sur Internet via un site de réservation en ligne. Le problème, c'est que depuis, ce site n'arrête pas de lui envoyer des mails. Elle en est à plus de 10 000 mails en ce moment et ça ne cesse d'augmenter. Alors, vous noterez, Céline, que j'étais sympa. Je ne vous ai pas demandé de justifier votre repart pour vous laisser trouver une excuse pour tout à l'heure. Bernard, est-ce que nous avons Booking.com en ligne ? Je les ai eu en ligne, Julien. Ils ont vite raccroché. Ils ont beaucoup de plaintes. Ils vous ont dit, je vous envoie 100 mails pour vous expliquer. Ils ont beaucoup de plaintes. Ils le reconnaissent et ils disent que ça devrait être... Ah, c'est pas les seuls. Non, c'est pas la seule, Sandrine. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant de le savoir. Il y a un bug informatique. Voilà le vocabulaire utilisé. On s'en serait douté. Je n'ai pas fait de hautes études informatiques. Oui, moi non plus. Mais quand tout d'un coup, tu as 15 ou 20 clients qui reçoivent 100 000 mails, on se dit qu'il y a un bug. Oui. Alors, on m'a dit donc en fin de discussion que ça serait en fin de journée que ça serait rétabli. Moi, je propose que j'appelle la direction. Ah ben, allez-y, appelez la direction. Parce que je pense que ça me paraît un petit peu gros. Parce que le coup de la fin de journée. Ça fait 3 semaines que ça dure, Julien. Sandrine, vous avez entendu, normalement, ça devrait avancer. On va voir la direction tout à l'heure, d'accord ? D'accord. Je vous laisse aller faire le check de vos mails comme chaque matin. Pendant ce temps-là, nous allons nous tourner vers Liliane. Liliane qui est avec nous, je pense. Bonjour Liliane. Oui, bonjour Julien. Liliane, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Paris 15e. Eh bien, c'est bien Liliane. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, votre problème aux auditeurs d'RTL en direct. Nous vous écoutons. Oui. Mon fils a réservé un séjour, hôtel compris, à Marrakech, du 1er au 15 septembre 2017. J'ai voulu le remplacer étant donné qu'il y avait quelques soucis. Et j'ai pris l'avion. On a fait le changement déjà en ajoutant 100 euros de changement de nom. J'ai effectué le voyage. Une fois sur place, l'hôtel a refusé de me recevoir en disant que le nom n'a pas été changé. On a le nom de votre fils. J'ai donné tous les justificatifs et tout. Elle ne voulait rien savoir. Alors je me suis trouvée par rue. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, j'ai pris une location. 900 euros, plus que ça, pour pouvoir rester des 15 jours à Marrakech. Alors Bernard, nous allons dans une seconde ouvrir la parenthèse sur les changements de nom, mais là, sur ce cas précis, vu qu'elle avait payé visiblement 100 euros de plus pour un changement de nom, en fait, l'information n'est pas arrivée jusqu'à l'hôtel. Exactement, c'est un forfait, avion plus hôtel, ce qu'on appelle le package dynamique. Donc on a réservé l'avion, ils ont modifié, c'est le tour opérateur qui a modifié dans ce cas de figure, mais par contre, pour la partie hôtelière, ils auraient oublié, ou le réceptif, mais ce n'est pas le problème du client. Le client aurait dû avoir ce changement de nom. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle veut ? Le remboursement aujourd'hui, que l'agence de voyage lui rembourse ? Le rembourse qu'elle a payé en plus, évidemment, en plus, 900 euros. L'enjeu est important, Céline. Julien. Céline ? Eh bien, en fait, j'ai contacté l'hôtel des Trois Palmiers à Marrakech, l'hôtel où devait séjourner notre auditrice. Et effectivement, ils se souviennent très bien d'elle. Ils m'ont dit oui, tout à fait, elle s'est présentée. Mais moi, dans le registre, eh bien, j'avais le nom de son fils, donc je n'ai pas pu l'accueillir. Mais ceci étant dit, ils n'ont pas pensé à prendre le téléphone et à téléphoner au tour opérateur en leur demandant. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un changement ? Notre auditrice, a priori, aurait tenté de les contacter. Le tour opérateur dit qu'ils n'ont pas eu de traces de cet appel, donc ça reste assez flou à ce niveau-là. Bon, eh bien, nous allons nous en occuper dans quelques instants. Continuez nos questions à l'APST, bien sûr, qui garantit vos voyages. On se retrouve sur RTL. À tout de suite. Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 50% d'économie sur plein de produits, comme par exemple sur la bouteille de Pastis 51 de Marseille. Génial! Et en plus, il est garanti meilleur promo. Résultat des courses, un été sous le signe des économies. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec 50% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur de nombreux produits de grandes marques. Carrefour. 70 centilitres, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Détails, produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste. Quand vous dites tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout ? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien et même les pneus. Et si mon Kangoo est immobilisé ? Vous avez une assurance qui rembourse votre journée de travail perdue. Vous dites aussi tout équipé ? Tout à fait. Nous avons près de 1200 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé, tout de suite ? Ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Le Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'Auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc ? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'Auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15 euros de réduction immédiate ou 40 euros pour 4 pneus. Voir modalités dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et à prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Merci d'avoir choisi le 9h30-11h, l'émission la plus écoutée de France. Vous êtes sur RTL, nous vous informons et nous repartons sur nos deux premiers cas voyage juste après. What's the sense in sharing this one and only life? À la seconde prix, les 10h. Et c'est Bénédicte Tassard que nous retrouvons pour les informations. Bonjour Bénédicte. Bonjour et bonjour à tous. L'offre de Nicolas Dupont-Aignan à toute la droite ce matin sur RTL. Le président de Debout la France propose à Laurent Wauquiez et Marine Le Pen de s'entendre sur un programme commun. Sinon, des millions d'électeurs seront balayés, ajoute-t-il. Il y a plus de choses qui nous rapprochent que ce qui nous différencie. La défense des petites villes, la politique de la famille, la méritocratie, tout ça, on l'a en commun, précise Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen, elle, doit bien rembourser 300 000 euros au Parlement européen. C'est ce que confirme le tribunal de l'Union européenne. Ce matin, la présidente du Rassemblement national, ex-FN, est déboutée. L'emploi d'une assistante parlementaire quand elle était eurodéputée, cet emploi est bien jugé douteux. Rendez-vous à Versailles pour le Parlement le 9 juillet prochain, date du nouveau congrès. Emmanuel Macron s'exprimera devant les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme il l'a promis de le faire chaque année. L'année dernière, le chef de l'État y annonçait la réforme des institutions. Le projet de loi asile-immigration, lui, arrive aujourd'hui au Sénat. Un texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais après des débats enflammés, vous le savez, un texte qui avait aussi ébranlé l'unité des députés La République en marche. Et c'est justement aujourd'hui que l'ONU dévoile ses derniers chiffres sur les personnes déplacées dans le monde. Un record, 68,5 millions de réfugiés et de déplacés l'année dernière. La moitié étaient des enfants. Entre la Chine et les États-Unis, l'âge de guerre commerciale est déterré. Pékin promet des représailles. Hier, Washington a annoncé une taxe supplémentaire de 10% sur les 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires. Conséquence, la bourse de Tokyo a chuté ce matin de 1,77%. 3% de dégringolade pour les bourses chinoises et à Paris. Le CAC 40 baisse aussi de 1,15% ce matin à l'ouverture. Les obsèques d'Yvette Horner, la reine du bal musette, avec une première cérémonie dans une demi-heure maintenant à l'église Saint-Roch à Paris. L'accordéoniste sera inhumé demain à Tarbes. Les courses, ça se passe à Dieppe cet après-midi et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 3, le 13, le 4, le 10, le 2, le 9 et le 6. La dernière minute, c'est le 13, Rouxeville. Le temps pour cet après-midi, eh bien le soleil a un peu de mal à percer, mais vous l'apercevrez entre deux nuages dans les trois quarts du pays. Ça sera difficile quand même de voir un coin de ciel bleu vers la Manche et les Ardennes. Du beau soleil, en revanche, autour de la Méditerranée. Les températures, il fera 17 degrés à Cherbourg, 18 à Brest et au Havre, 20 degrés à Sedan, 21 à Biarritz, 22 degrés à Amiens, 23 à Lille, Metz, Clermont-Ferrand et Nantes, 24 à Paris, 26 à Bordeaux, Toulouse, Lyon et Strasbourg, 28 degrés à Marseille, 30 degrés près de Nîmes, 10h03. Bonne journée à tous sur RTL. Julien Courbet, ça peut vous arriver. Merci beaucoup, on vous retrouve à 11h, Bénédicte. Ce matin, c'est une émission un peu particulière puisque nous parlons de voyage avec deux cas qui ont été lancés et avec un intervenant qui nous aide à mieux comprendre et à mieux choisir notre agence de voyage. J'ai nommé Emmanuel Toromanov, secrétaire général de la PST. Point info sur ce qui s'est passé depuis 9h30 ce matin. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et nous avons démarré démarrer, Céline, avec cette incroyable histoire de mail. Plus de 107 000 mails dans la boîte mail de notre auditrice Sandrine, puisqu'elle a réservé un hôtel via un site internet et depuis, le site ne cesse de lui envoyer des mails. Alors, nous avons appelé booking.com, nous sommes tombés sur une personne qui semblerait vous avoir dit « Bernard, écoutez, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, on doit avoir un bug ». On leur a dit « Effectivement, mais ça fait longtemps qu'on vous prévient, où en est-on ?» Écoutez, on m'a dit que ça serait réglé dans la journée, mais j'ai préféré lancer un message d'alerte à la direction il y a quelques minutes pendant le journal. J'espère qu'on aura du nouveau avant 11h. Le deuxième cas a été lancé il y a quelques instants. On part au Maroc avec Liliane. Son fils avait réservé via une agence de voyage un séjour au Maroc. Finalement, changement de nom, c'est plutôt sa mère qui est partie à sa place. L'agence, évidemment, était au courant, mais une fois arrivée sur place, eh bien, Liliane n'a pas pu séjourner dans l'hôtel. Emmanuel Toromanov, ces changements de nom, c'est quand même très problématique. Il faut faire très attention. Beaucoup pensent que quand ils s'inscrivent, ils vont sur un site internet, par exemple, ils mettent deux noms, puis finalement, ils disent, bon, ben, c'est mon fils qui va y aller. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, sur internet ou en agence, c'est un peu pareil. Physique. Un changement de nom implique effectivement des modifications sur des billets d'avion notamment. Ça, c'est assez compliqué. Parfois, c'est pas modifiable. Les frais peuvent être assez importants. Et bien sûr, vis-à-vis de l'hôtelier ou du prestataire, si vous avez une location de voiture, etc. Et on peut prendre, ça existe, les billets dits open où n'importe qui peut aller bien dedans. Bien sûr. Vous avez des billets modifiables, tout à fait. D'accord. C'est juste plus cher. Évidemment. Quelles sont les précautions à prendre quand on s'inscrit à un voyage ? Alors, faire attention que son agence de voyage, enfin, que la personne qui vous vend le voyage est bien immatriculée au registre Atout France et qu'elle possède une garantie financière et une assurance de responsabilité civile professionnelle. Et j'ose à penser que la garantie financière sera apportée par la PST. Parce que nous avons vu dans cette émission des associations, etc., qui organisent des voyages, donc ils font le boulot d'un agent de voyage, mais qui ne sont inscrits nulle part et qui après plantent les clients. On avait eu un groupe qui devait aller voir du flamenco, je ne sais plus où, à Malaga. Non, mais ils n'étaient inscrits nulle part. Alors, ce ne sont pas des agents de voyage, eh c'est très important. C'est des officines qui sont des illégaux. Mais comment on fait pour savoir s'il allait à un registre On lui demande son numéro d'immatriculation. On peut aller sur le site Atout France. Il y a un registre qui est tenu à jour sur lequel vous avez les références légales de la personne, son garant financier et son assureur de responsabilité civile professionnelle. J'aurai d'autres questions à vous poser dans quelques instants. Nous allons lancer l'appel donc pour l'hôtel des Trois Palmiers. C'est ça qui n'a pas voulu la faire. Alors, c'est pas tout à fait à l'hôtel qu'on va appeler. On va passer par l'agence de voyage. D'accord, Céline, on fera de toute façon ce que vous voulez. Vous savez, ici, vous êtes un peu la reine. Vous avez, bien sûr, des problèmes de voyage, quels qu'ils soient. Vous nous appelez au 3210 tout de suite. Nous pouvons prendre notre cas à n'importe quel moment. Merci d'être là. À tout de suite. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer la sécurité de ma maison, pas question d'improviser. J'ai choisi sans hésiter la caméra Welcome de Netatmo pour veiller sur ma famille quand je suis absent. La caméra reconnaît les visages et je reçois seulement les alertes qui m'intéressent. La babysitter qui rentre avec les enfants, un inconnu, ma femme. Non, je la surveille pas. On sait jamais si elle voulait m'organiser une surprise. Comme Alexandre, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Belle matinée sur RTL. Encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Alors aujourd'hui, Michel, je vais vous parler chiffres. Ah bon ? Oh non, mais c'est pas mon truc, les chiffres. Mais si, vous allez voir. Chez Carrefour Market, le troisième pack de bière blonde 16,64 est gratuit. Et c'est jusqu'au 1er juillet. Ah ben d'accord, des chiffres comme ça. Bah là oui, là je comprends tout de suite. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Le pack de 12 bouteilles de 25 centilitres. Magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous allons lancer les appels dans quelques instants, mais il est 10h08, notre point Coupe du Monde avec Alain Hazard, rédacteur en chef, ancien grand journaliste spécialisé dans le football, qui a annoncé la semaine dernière que le match d'ouverture serait un match terne, sans but. Rappelons que c'est le record de but pour un match d'ouverture depuis la création de la Coupe du Monde. Hier, je lui ai demandé de faire un pronostic sur le match Angleterre, c'était... Tunisie, Julien. Tunisie, oui. Angleterre-Tunisie. Alors voilà ce qu'il nous a dit hier. Et alors, Tunisie-Angleterre, combien c'est le gros match de la journée? Un partout. Ouais. Un partout. Rappelons qu'il y a eu 2-1. Oui, oui, oui. Mais non, vous vous rapprochez. À la 91e minute, Julien. Ouais, oui. Celui qui a misé, qu'est-ce qu'il voulait que ça lui fasse, que ça soit la 91e? Julien a perdu son argent à cause de vous. Il ne faut surtout pas miser. D'accord. C'est juste des pronostics philosophiques, on va dire. Commencez à préparer le pronostic de tout à l'heure. Nous appelons maintenant pour notre deuxième auditrice. Liliane, rappelez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, son fils devait partir en voyage au Maroc. Finalement, c'est elle qui est partie. Ils ont tout fait comme il faut au niveau des changements de nom. Le problème, c'est qu'arrivée à l'hôtel, Liliane n'a pas pu séjourner. Parce que le... Le nom était encore... Alors qu'ils avaient payé pour le changement. Bonjour et bienvenue chez Caravelle. Nous vous informons que dans le cadre de notre qualité de service, cet appel est susceptible d'être écouté. Donc clairement, Caravelle a oublié de prévenir l'hôtel. Oui, ou eux, ou le réceptif, mais leur responsabilité est totalement engagée. Attention. Comment ça se fait qu'ils ne remboursent pas dans ces cas-là? C'est surprenant, justement. C'est bien la question. C'est pour ça qu'on appelle. Ne prenez pas non plus pour un idiot. Ça va bien. Accepter quelques railleries des uns et des autres, mais me faire passer pour le dernier des crétins. Alors que je suis censé être l'animateur de cette émission, c'est quand même très désagréable. Ce que je veux dire, c'est que qu'ils soient fautifs ou pas, ils doivent répondre de cet incident. Oui, bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Maître Fellono, l'avocate de l'émission, vous explique le but de notre appel. Oui, monsieur, vous avez vendu un voyage à un jeune homme qui n'a pas pu y aller, et c'est sa mère qui l'a remplacé. Elle a donc payé, et vous l'avez fait, le changement de nom du billet d'avion. On pense que vous avez fait le changement de nom d'hôtel, mais quand elle s'est présentée à l'hôtel au Maroc, eh bien l'hôtel lui a dit « Non, je ne vous connais pas, je ne connais que votre fils, alors je ne vous ouvrirai pas la chambre. » Et elle a été obligée de louer un appartement pour séjourner les 15 jours comme prévu. Et vous ne faites rien, on ne sait pas ce qui se passe pour la rembourser. Alors qu'elle, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est contentée de faire un chèque et qu'elle n'a pas eu la prestation payée. Alors, monsieur, à qui puis-je parler? C'était un petit résumé pour que vous puissiez me passer un interlocuteur. Je vous demande un instant, je vous mets en attente, je reviens vers vous de suite. C'est très gentil, monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous récupérez, s'il vous plaît, Charlotte. Je tiens à dire que ce soit ou Booking ou ici, nous avons des gens charmants et très polis, et nous avons même un trompettiste qui vous est offert par l'APST. L'APST qui garantit vos voyages et vous offre pour la somme modique de 1 euro supplémentaire un trompettiste qui vous suivra tout au long de votre voyage dans le train, sur la plage au moment où vous voulez faire une sieste, au restaurant le soir en tête à tête avec votre épouse. Et puis cette fameuse nuit que vous attendiez avec impatience, des pétales sur le lit. C'est aussi ça la PST, ne l'oublions pas. Vous vouliez dire quelque chose, Bernard Sabat? Non, je demandais à Maître Fellono de me passer juste un élément qu'on me demandait par téléphone, Julien, tout simplement. Et est-ce qu'elle vous l'a passé? Non, toujours pas, donc si vous pouviez assister. Si vous pouviez passer l'élément, merci. Merci, nous monsieur Courbet. Nous allons essayer d'attaquer un cas immobilier dans une seconde. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, Céline? Alors, René est propriétaire d'un appartement et de 2 locaux commerciaux. Ses biens sont gérés par une agence immobilière, mais le souci, c'est que depuis mars, l'agence ne donne plus de nouvelles. Et évidemment, les loyers ne sont pas versés. Au total, 3 429 euros. Et il se sent seul dans ce dossier, notre auditeur. Il a besoin de nous. Il est so lonely. Des transitions comme ça, vous pourrez écouter sur toutes les radios, vous n'en trouverez pas. Can't convince myself. n'a qu'une envie là, dans ces cas-là, c'est attraper une bière et la décapsuler avec les dents. Police, Solomny sur RTL, 10h15. Une question pour nos amis de la PST, Emmanuel Toromanov. Alors, on dit souvent, depuis maintenant presque 20 ans, qu'il faut toujours prendre un forfait, c'est-à-dire éviter de prendre un vol sec, prendre toujours une location, une petite chambre d'hôtel, etc., même si on n'y va pas, pour pouvoir avoir cette notion de forfait, pour être remboursé, etc. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une directive européenne sur les voyages à forfait qui vient d'être réactualisée. Qu'est-ce que ça change, s'il vous plaît, Manuel Toromanov ? Ça change pas mal de choses pour le consommateur, c'est-à-dire ça lui donne des droits supplémentaires. Il avait déjà pas mal de droits, il en aura encore un peu plus. Par exemple, en ce qui concerne un voyage à forfait, la responsabilité de plein droit reste au niveau de l'opérateur de voyage. C'est-à-dire que quand vous achetez un voyage à forfait, l'opérateur qui vous vend le voyage, et celui qui le produit d'ailleurs, est responsable de plein droit de tout ce qui pourrait arriver. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On est le seul pays d'Europe comme ça, mais c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs français. Et n'oubliez pas de choisir les agences où vous voyez la petite coccinelle, les agences APST. J'ai entendu une alerte, Bernard Sabat. Oui, Julien, je suis donc avec le service qualité, évidemment, de nos amis de Caravel Promo Vacances. Ils m'ont demandé quelques minutes pour leur demander des éléments précis. D'accord. Donc, si vous voulez, vous pouvez patienter encore un tout petit peu. Mais j'étais en train de parler, moi, je patiente. Vous savez, je suis là jusqu'à 11h. Les services qualité, ils ont répondu relativement vite. Je voulais juste vous signaler. Mais c'est très sympa, mais sachez que moi, je suis là jusqu'à 11h, quoi qu'il arrive, donc je ne m'en vais pas. Vous me trouverez, il vous suffit de tourner la tête, vous me trouverez toujours à mon poste de travail. Bon, nous faisons un rapido point info si vous le voulez bien, très rapido, il est 10h16, merci d'être fidèle au 9h30, 11h, l'émission qui vous aide, qui vous conseille. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Une grande nouveauté, le coût des 100 000 emails. Eh bien Sandrine nous appelle parce qu'une agence de voyage en ligne lui envoie plus de 100 000 mails. Elle ne sait plus quoi faire, rien n'y fait, elle n'arrive pas à avoir de la tranquillité dans sa boîte mail professionnelle. Nous avons appris qu'elle n'était pas la seule, nous avons appris qu'ils sont sur le coup, nous avons appelé Booking.com qui essaie de régler ça d'ici la fin de la journée. Je l'espère vraiment, c'est sa boîte mail, 100 000 emails. À un moment donné, elle pourra d'ailleurs demander, si ça n'avance pas, une indemnité puisque on n'est pas là pour demander du préjudice à tout prix, mais là, elle en a un préjudice. Alors là, il est réel et il y a un joli petit article du Code civil qui est le 1240 et qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer ». Ça veut dire en gros, si tu indisposes quelqu'un, et ben tu dois réparer ta faute et si tu ne peux pas réparer ta faute, tu l'indemnises. Le deuxième cas, c'est celui de Liliane, avec Liliane qui voulait remplacer son fils. Oui, elle devait partir au Maroc. C'est son fils qui a payé le voyage. Finalement, lui n'est pas parti. Elle a fait tous les changements de nom auprès de l'agence de voyage. Elle une fois arrivée sur place, elle a payé, notamment pour les changements de billets d'avion. Et une fois arrivée sur place au Maroc, l'hôtel lui dit « Non, désolé, la réservation est encore au nom de votre fils. Vous ne rentrez pas. » Ils n'ont pas eu l'info. Donc, nous avons appelé Caravel, groupe Promo Vacances. Où en est-on, s'il vous plaît ? Bernard Sabat qui est en train de négocier. Vous êtes avec eux, donc ils nous ont... Oui, je suis toujours avec Céline du service qualité. Dans quelques minutes, j'aurai du nouveau. Ça marche. On parle immobilier dans une seconde. Avec le cas de René, qui est propriétaire d'un appartement et de deux locaux commerciaux. Tout ça, eh bien, c'est géré par une agence immobilière qui ne donne plus de nouvelles depuis mars. Eh bien, nous allons appeler dans quelques instants tous vos problèmes immobiliers voyage au 3210 ou sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Vous écoutez la radio qui aime ses auditeurs, qui les prend par la main, qui les aide et qui ne les lâche jamais. J'ai nommé RTL. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas ? Oh non, Madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon ? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire ? En plus, Akena a été élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non ? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu ! Akena, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, il n'y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accident et hospitalisation pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Qui toc, qui toc ? Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Oh, je sais pas, les enfants, j'ai pas fait de course et je suis KO. Je vous fais des pâtes. Oh non, on a déjà mangé hier soir ! Fatigué des courses après le boulot ? À court d'idées pour cuisiner ? Simplifiez-vous la vie. Rendez-vous sur kitok.fr. Kitok imagine pour vous des recettes savoureuses et variées. Des repas à cuisiner avec de bons produits frais et de saison, livrés chez vous partout en France, gratuitement. 30% offert sur votre première commande avec le code RADIO. Valable jusqu'au 31 décembre. Kitok. toc, qui toc. Kitok.fr, la recette pour cuisiner sans faire la course. Le village préféré des Français revient sur France 2. Je vous emmène sur les routes de France à la découverte de 14 magnifiques villages pour lesquels vous pourrez voter en direct sur France 2. En fin d'émission, je vous révélerai le nom du village préféré des Français 2018. Le village préféré des Français, ce soir à 20h55 sur France 2. Avec RTL. Intermarché vous propose d'écouter un fan de food. Eh, hey, on se la fait en 4-4-2. Oui, bah coupe la déjà en 4, ça sera bien. En ce moment, chez Intermarché, la pizza Ristorante 4 fromages surgelés Dr. Oetker est à seulement 1,99€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 juin, 340 grammes, soit 5,86€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900€ avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900€. C'est ça, 8 900€. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. J'accueille René sur l'antenne d'RTL à 10h21 en direct. Bonjour René. Bonjour Julien. Bonjour René. Vous nous appelez d'où René? J'appelle de Marseille. C'est pas vrai René. Mais je vais venir boire l'apéro chez toi dimanche soir. Ne pose pas de problème. Le barbecue René, est prêt. Je joue au Palais Longchamp, vous connaissez? Oui, bien sûr. Eh ben, en plein air, là, dimanche soir, je fais le spectacle et c'est gratuit en plus, René. Profitez-en parce que c'est pas toujours alors... le cas, alors. Oui, il a trouvé bien dès que j'ai dit ça gratuit. Vous viendrez voir, Julien. C'est gratuit. Bien sûr qu'on va venir. Bien sûr qu'on va venir. Il a raison. Alors, mon René, peut-être à dimanche soir, mais en attendant, expliquez-nous votre problème. Eh bien, j'ai des soucis avec mon agence immobilière qui ne me donne plus de nouvelles depuis 3 mois, malgré mes multiples appels. Et donc, je ne reçois plus mes loyers. Voilà. René, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous l'imitateur officiel de Didier Deschamps? Vous avez, quand vous racontez, exactement la même voix. Vous voyez du foot partout. Mais vous, je vous attendez. Assure. Alors, Maître Fellonneau, les tenants et les aboutissants. Alors, les tenants et les aboutissants, c'est qu'effectivement, les dernières nouvelles qu'il a reçues, il y a des procédures en compte parce qu'il y a plusieurs locataires. Alors, il y a des locataires qui ne payent pas. Il y a des locataires qui ont été condamnés. Il y a des locataires qui sont nouveaux, paraît-il, mais il ne sait pas qui c'est, il n'a pas de nouvelles du bail. Bref, depuis le 25 février, c'est le dernier mail qui donne ces détails. Il en reçoit un très beau, le 18 mai, qui dit on va vous payer, les virements partent et il n'y a rien. Donc, il s'aperçoit en plus, en passant dans la rue, qu'il y a un type maintenant qui vend des fruits, des légumes, il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas quel est le loyer, rien du tout. Et l'agence, quand vous les appelez, radio. Quand vous les appelez, qu'est-ce qu'ils vous disent, l'agence? Ah ben, ils ne répondent jamais, donc je n'ai aucune nouvelle depuis 3 mois, je ne sais pas. Alors, nous, ils répondent parce qu'on essaie toujours un petit peu avant, on les a eu il y a quelques instants, on y va, on lance Charlotte. Allez, c'est parti. C'est parti, alors il suffit que je dise ça pour qu'au moment où on va appeler, évidemment, ils ne répondent pas, mais je peux vous dire que tout à l'heure, ils répondaient. C'est parti. Attention. Vous entendez derrière Bernard Sabat marmonner. Il continue à se battre dans l'histoire de cet hôtel où notre auditrice s'est rendue et on ne l'a pas laissé rentrer. Bon, ben voyez, il avait raison, ils ne répondent pas. Donc vous oui, on a plusieurs numéros. Ah bon. Alors, on essaie le deuxième numéro. On y va pour un deuxième numéro à Marseille. Alors, c'est à côté, oui, justement, bonjour, de Marseille. Là, s'il vous plaît. Ah, on a quelqu'un, ça marche. On a quelqu'un. Allô? Oui. Xperia? Oui. Bonjour. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Oui. Nous sommes en direct, bonjour. Je suis avec René Salva qui vous a confié ses biens et qui n'a plus de nouvelles de vous depuis mars, qui ne reçoit ni loyer, ni appel de fonds pour les frais de copropriété, et ce malgré de multiples demandes. Il se trouve boulevard National à Marseille. Alors, d'accord, alors, ok. Bah alors, l'ennui. Ah, ça me normal. L'ennui, c'est que... Non, mais... vous avez été rerouté vers le service transaction. Oui. Et je m'occupe pas du tout du service gestion. Donc je suis vraiment, vraiment embêté. Alors, déjà, première bonne nouvelle, c'est que la boîte existe. Elle n'a pas fermé, Xperia. Non. On est toujours là. Donc, est-ce que Madame Nass est là, s'il vous plaît? Alors, Madame Nass n'est pas là. Elle est du jury d'examen aujourd'hui. Ah. Et si vous avez moyen, alors bien sûr, si c'est... Bon, est-ce que vous pouvez passer le service gestion? Mais non, juste. justement, ça a été transféré chez nous, donc ça veut dire qu'il y a, soit il y a personne, soit ils sont tous en déplacement. Monsieur, quoi qu'il arrive, bon, vous faites partie de la même boîte, même si ce n'est pas vous qui vous occupez de ça, mais il faut vraiment que vous nous trouviez quelqu'un, parce que là, ça la fout mal quand même d'avoir un propriétaire qui vous confie des biens, il est passé devant ses biens, il n'a plus de nouvelles, il n'a plus de loyer, il n'a plus rien, il se demande même si l'Experia n'est pas fermée. Voilà, un, je l'entends et ça m'embête pour lui, hein, faut appeler un chat un chat. L'ennui c'est que je peux juste vous dire que je mettrai mon possible pour qu'on le rappelle. Alors, s'il y a une pause entre midi et deux, le faire appeler par Madame Nas. D'accord. Et puis autrement, ça sera demain matin. Nous, on va essayer d'envoyer un petit texto ou appeler Madame Nas de notre côté, mais faites le nécessaire. On vous rappelle demain matin sur l'antenne d'RTL de toute façon, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Allez, merci. À demain. À demain, merci. Ouais, j'espère. Alors, une alerte. On essaie de laisser un message à Madame Nas, s'il vous plaît, Charlotte. Elle s'appelle Isabelle et non Anna, comme on aurait pu le penser. Bernard. C'est le cas de Liliane, Julien. Oui. Liliane devait partir en voyage à la place de son fils au Maroc. Le problème, c'est qu'une fois arrivée sur place, l'hôtel lui a dit « Désolé, la réservation est au nom de votre fils. Vous ne rentrez pas. » Elle a trouvé un autre hôtel à 900 euros. Et y a-t-il du nouveau dans quelques instants, Bernard ? Oui, Julien, c'est Céline qui parlera du service après-vente et qui souhaite vous donner quelques informations. Est-ce qu'elle a une minute à m'accorder ? Ah oui, je pense qu'en plus, elle est charmante. On marque une petite pause, si vous le voulez bien, maintenant. Et nous aurons donc Céline pour cette histoire d'hôtel. Nous essayons également d'avoir Experia pour cette agence qui ne verse plus les loyers. Bref, nous avons du pain sur la planche. Il y a toujours la PST pour vos conseils voyage. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Partir en rendez-vous client, rester connecté et arriver à l'heure sur vos chantiers, c'est facile avec le bureau mobile Modu Work et la navigation 3D connectée du Peugeot Expert. Il est vraiment taillé pour relever tous vos défis. En ce moment, le Peugeot Expert Premium Pack avec navigation est à partir de 179 euros hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 1650 euros hors taxes. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Leclerc. Dites donc, Philippe, on prépare l'été à ce que je vois. Ah, ça ? Oui, de la 1664 en pack de 24 bouteilles avec 30% de remise immédiate en ce moment chez Leclerc. De la 1664 en promo ? Eh oui. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pack de 24 bières 1664 de 25 centilitres avec 30% de réduction immédiate est à 7,91€, soit 1,32€ le litre. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et 30% sur de la 1664, ça en fait des économies. C'est pas faux. Chérie, j'ai une grande nouvelle, on change de box. Ah bon ? Mais pourquoi ? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines ? Ah oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Non mais doucement chérie ! Merci Free ! Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud, plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout ? Oui, ici l'Op Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé ? Tout à fait. Nous avons plus de 800 masters grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas une senior, je suis Patricia. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, l'occasion de partir en week-end avec mes copines. C'est pour cela que Patricia a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui inclut l'aide aux aidants. Elle a pu être conseillée et accompagnée pour mettre en place un relais de qualité pendant son absence. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a donc une alerte, il y a quelques instants. Oui, c'était sur le cas de Liliane qui devait remplacer son fils lors d'un séjour au Maroc. Tout était d'accord, tout était vu et entendu avec l'agence de voyage. Mais le problème, c'est qu'une fois arrivé sur place, on lui a dit « Désolé, vous ne rentrez pas à l'hôtel. Le nom de la réservation n'est pas le vôtre, c'est à celui de votre fils. » Bernard ? C'est le service qualité qui va vous parler. Julien, c'est Céline qui est à l'antenne. Bonjour Céline. Oui, bonjour, enchantée. Enchantée Céline. Alors, comment peut-on aider cette dame qui voudrait maintenant le remboursement puisqu'il y a eu un petit couac ? Bon, ça peut arriver, mais la pauvre, déjà, heureusement qu'elle a trouvé quelque chose sur place. Mais aujourd'hui, elle voudrait qu'on lui rembourse son hôtel. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai pu échanger avec Monsieur Sabat par rapport à ce dossier. Il faut savoir que nous, dans ce cas précis, nous avons interrogé notre fournisseur. Et effectivement, on avait eu des réponses négatives par rapport à la situation que notre cliente nous avait évoquée. Donc c'est vrai que nous, notre côté, nous avons apporté à plusieurs reprises des courriers qui mentionnaient que de notre côté, toutes les modifications avaient été faites. Moi, vu la situation qu'on peut évoquer à l'instant, on va réouvrir le dossier pour justement reprendre en considération toutes les pièces que vous-même, vous nous avez apportées, que la cliente nous a apportées. Bon, ok. Maître Felonneau. Oui, bonjour madame. Moi, je m'étonne un peu que le dossier soit fermé, parce que tant qu'il n'est pas soldé vis-à-vis de votre client, et je rappelle que vous êtes le seul responsable de votre client, je ne vois pas pourquoi ça traîne. Vous la remboursez, et après, si vous n'avez pas commis d'erreur, vous avez un recours contre le responsable, qui peut être l'hôtelier qui n'a pas enregistré votre demande de modification, qui peut être je ne sais qui, mais en tout cas, ça ne peut pas être votre cliente. Enfin bref, ce sont des gens qui ont fait un chèque. Bernard. Et ils n'ont pas été hébergés comme il fallait. Céline, moi je rajouterais quelque chose d'important pour les auditeurs d'RTL, c'est que dans ce cas de figure, quand on vous dit, et votre réceptif qui est sur place au Maroc vous dit, malheureusement, nous on a fait le changement, je ne comprends pas, votre client n'a pas eu le droit de faire quoi que ce soit, ok. Mais par contre, appelez l'hôtel, on l'a fait nous en préparation avec les journalistes, avec Charlotte, Céline et Jean-Baptiste, on l'a fait. Et l'hôtelier a été très clair. Je vous rappelle quand même que l'hôtelier nous a dit, je me rappelle très bien de ce cas, il n'y avait pas eu de modification de nom du client, donc je n'ai pas pu accepter cette réservation-là. Donc nous, on l'a fait. Je crois que c'est plutôt bon signe d'aller dans ce sens. Allez, il faut que ça aille vite maintenant. Elle a payé le supplément pour changement de nom maintenant. Voilà, c'est après voilà, que vous ayez l'objectif. Des problèmes avec l'hôtelier. D'accord. Ok, ça marche. On peut avoir merci du beaucoup. Nouveau camp, alors, s'il vous plaît, madame. Eh bien, d'ici une dizaine de jours. Bon, j'ai avalé de travers. Je pensais que vous alliez me dire d'ici la fin de la semaine, mais donc d'accord, dizaine de jours, on peut pas faire une petite négociation à une semaine quand même? Allez, à une semaine. Ah, c'est super. Merci Céline. Bon, je ne sais pas. On va avancer comme ça. C'est très gentil. Je vous souhaite une belle journée, madame. Merci à vous aussi. Bon, Sophie, dans une semaine, normalement, on avance. Ça vous va? Liliane. Liliane. Oh, Liliane, Sophie. Oui, j'ai bien. J'ai connu Liliane qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à une Sophie. Oui, Liliane. Oui, je vous remercie, Julien, pour votre gentillesse. Mais c'est d'ici là, je ne reçois rien. Je pourrais vous recontacter. Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Ça veut dire que mercredi prochain, vous êtes sur l'antenne d'RTL pour nous dire soit j'ai eu l'argent, soit je n'ai rien eu. D'accord? Il y a pas de... Je vous remercie, Julien. Je vous fais un bisou. Et le bonjour à votre équipe. Et je vous remercie pour votre support et votre gentillesse. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, merci, dans quelques bonne instants. Journée, bon courage. Au revoir. Une nouvelle question à Emmanuel Touromanov. Je dis Emmanuel Touromanov, je pourrais dire Manu, puisque j'ai vu que maintenant, les jeunes appelaient Emmanuel Macron Manu. Et je lui ai dit tout à l'heure, oh Manu! Qu'est-ce qui se passe avec là? Il m'a dit, tu m'appelles soit secrétaire général de l'ASP, soit monsieur. Et il a eu raison. Donc, on va parler dans une seconde. Suis-je autant protégé? C'est la question. Que je m'inscrive dans une association, dans une agence de voyage ou par Internet? Autrement dit, est-ce que vous garantissez les mêmes choses? De plus en plus de gens passent par des agences en ligne. Est-ce que c'est les mêmes garanties? Est-ce que j'ai plus de... Est-ce que je vais être mieux couvert si je rentre dans une agence? Vous répondez à ça dans quelques instants sur RTL. Mais voici maintenant, puisqu'on parle de voyage, nous avons essayé d'adapter un petit peu la programmation. Et c'est le grand Laurent Voulzy qui a du génie, vous le savez, pour nous faire voyager grâce à sa musique. Et là, il nous chante « Le soleil donne ». La même couleur aux gens. Sauf vous, Maître Felonneau, qui devenez rouge. On vit que tout le monde sait, le soleil donne. Ce vieux désir super, on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne. L'or intelligent, le soleil donne. Même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. In quererse más donde el sol. Le soleil donne la même couleur aux gens, le rosé également, mais avec modération, bien sûr. Je vous assure, on a tous la même couleur après. Emmanuel Toromanov, nous rappelons que vous êtes secrétaire général de la PST. Et sachez qu'ici, toute l'équipe trouve ça normal car vous êtes très compétent. Néanmoins, ce n'est pas ma question. Y a-t-il une vraie différence entre une agence en ligne et une agence classique, vitrine, etc. Est-ce que vous garantissez les deux de la même façon? Est-ce que j'ai plus de droits dans l'une que dans l'autre? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, si la personne est adhérente de la PST, on le voit à la coccinelle sur la vitrine quand c'est une agence physique, mais normalement sur le site, on le voit aussi. On doit le voir. Pour une association, on le voit sur son papier à lettres. Le garant financier doit être indiqué sur tous les documents de la personne. D'accord. Donc ça, c'est important. Et je le rappelle, on peut aussi vérifier sur le site d'Atout France ou sur le site de la PST si la personne est immatriculée ou si elle fait partie de la PST. Je résume. Mon agence, parce que ça peut arriver, après tout, un dépôt de bilan, ça n'arrive pas que dans la plomberie, l'informatique ou la voiture. Mon agence va mal financièrement, mais j'ai quand même pris un voyage. Et puis un jour, je trouve le rideau fermé. Vous me permettez de partir quand même? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, on fait partir tous les clients. C'est notre avantage. Les clients partent sur... Les cinq dernières années, on a fait partir entre 30 et 40 000 personnes qui ont bénéficié des prestations qu'ils avaient achetées, alors que l'opérateur de voyage chez qui ils les avaient achetées était en défaillance financière. Mais normalement, vous vérifiez à l'avance la solidité de l'entreprise, ce qui fait que ça arrive rarement quand même. Alors, effectivement, c'est une vingtaine d'opérateurs qui ont déposé le bilan l'année dernière. Il y en a environ une petite quinzaine qui ont réellement coûté de l'argent et pour lesquels on a fait partir des clients. Mais c'est plus de 3600 opérateurs qui sont adhérents de la PST. D'accord. C'est assez peu en termes de... statistique, mais c'est toujours trop. La PST, la coccinelle, cherchez-la sur les sites internet, cherchez-la sur la vitrine, mesdames et messieurs, et ça sera des vacances tranquilles. Dans quelques instants, de quoi va-t-on parler, s'il vous plaît, Céline? Eh bien, nous reviendrons sur le dossier de Sophie. Souvenez-vous, elle a payé plus de 1400 euros d'acompte pour un plan de travail sur mesure. Le délai de livraison a été allongé. Elle a donc demandé un remboursement. Elle attend depuis 2 mois. Est-ce qu'on a envoyé un petit texto à Madame Nas? Bien sûr, on l'a appelée, on a laissé un message, et pour l'instant, elle n'a pas rappelé. Madame Nas, c'est pour l'agence qui ne reverse pas les loyers à notre auditeur qui dit: je ne comprends pas, je n'ai plus de nouvelles d'eux et pourtant je vois des commerçants qui occupent mes locaux. A tout de suite sur RTL. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Belle matinée sur RTL. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 70% d'économies sur plein de produits. Comme par exemple sur les Kinder Délices. Et en plus, ils sont garantis meilleurs promos. Résultat des courses? Même mon mari rentre à 4 heures pour prendre son goûter. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive. Avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. 2 fois 390 grammes, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Détails, produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, eh ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama, offerte la première année. Non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Cette semaine, les promos démarrent sur les chapeaux de roue dans votre Géant. Jusqu'à samedi pendant les heures privilèges, de 11h à 13h et à partir de 17h, pour tout achat au rayon auto, bénéficiez de remises jusqu'à moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50% de réduction sur le rayon auto dans votre Géant. Les prix bas, c'est Géant! Remise en bon d'achat, voire conditions et magasins participants sur géantcasino.fr. Waouh Sylvie, c'est toi? Mais t'as vachement minci. Bah, tu sais, ça fait 2 ans que j'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Et t'as rien repris? Bah non, grâce à Comme J'aime, j'ai minci et j'ai surtout repris de bonnes habitudes alimentaires. Avec Comme J'aime, dites adieu à l'effet yo-yo. Perdez du poids durablement en prenant de bonnes habitudes alimentaires. Cette semaine, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 350 euros. Appelez le 0800 507 507 0800 507 507 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Écoutez... Vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons revenir sur le cas de Sophie à 10h41 en direct sur RTL. Eh bien, Sophie a payé plus de 1400 euros d'acompte pour un plan de travail sur mesure. Finalement, on lui dit « Désolé madame, on ne peut pas vous livrer de suite, faudra repousser la livraison ». Elle dit « Non, je souhaite être remboursée ». Elle attend depuis plus de 2 mois. Un commercial semblait lui avoir dit « Je vais vous rembourser ». Charlotte, vous avez avancé. Ça s'est passé la semaine dernière sur l'antenne d'RTL. Où en est-on, s'il vous plaît, pour Sophie? Oui, alors quand Sophie était passée, on n'avait pas réussi à joindre Laurent Mercier, le gérant de la société Netovia, ni Florian Palmacci, le commercial, qui lui avait promis un remboursement. Depuis, j'ai rappelé, je suis à nouveau tombée sur les commerciaux de cette société, notamment Monsieur Palmacci, qui m'a confirmé que lui était d'accord pour le remboursement. Le souci, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir de décision et que tout se joue en comptabilité au niveau de la gérance de la société. Ils m'ont à chaque fois confirmé qu'ils allaient passer le message à Monsieur Mercier, mais Monsieur Mercier ne m'a jamais rappelé. Alors nous appelons Laurent Mercier, gérant de Netovia. Netovia, cuisiniste, qui se trouve apparemment rue de Silly à Boulogne. Netovia, Laurent Mercier, merci de nous rappeler. Nous reviendrons une nouvelle fois sur cette... Appelons-les. Hein, je pense qu'on va tenter le coup quand même de les avoir une nouvelle fois. Nous ne lâchons pas et puis nous y reviendrons s'il le faut, demain, après-demain et ainsi de suite. Netovia se trouve à Boulogne-Billancourt, rue de Silly. Monsieur Laurent Mercier, nous allons voir, mais il n'est pas souvent là apparemment. Hein. Non, d'ailleurs, les commerciaux m'ont confirmé qu'ils ne le voyaient quasiment jamais et ils m'ont souhaité bon courage pour le contacter. Ah, ça c'est bien. Quand vous avez quand même un employé qui vous dit bon courage pour avoir le patron. Au poste. Allô ? D'accord. Donc il peut. Bon, vous essayez, vous me faites une alerte, mais on lance. Alors, est-ce que maintenant, Sophie, il va falloir peut-être qu'elle commence à essayer d'avoir une parade ou un plan B, Maître Felono. Nous, on va continuer à l'appeler. Elle a déjà fait des demandes de remboursement. Maintenant, il faut refaire une dernière mise en demeure, effectivement, en rappelant que le commercial a reconnu publiquement, en fait, hein, que le remboursement ne posait pas de problème. Et puis sinon, après, elle saisira le tribunal d'instance sans aucun problème. Elle aura cette. Oui, ah, je crois qu'on a quelqu'un chez Netovia. Allô, Netovia ? Oui. Bonjour madame, Julien Courbet en direct sur la radio RTL. Est-ce que monsieur Laurent Mercier est là ? Non monsieur, il n'a jamais un magasin. Bon, est-ce que vous pouvez le joindre ? Nous l'appelons chaque jour sur l'antenne d'RTL concernant le problème d'une dame que nous essayons de régler et personne ne sait où il est, personne ne peut me le passer. Comment puis-je faire pour l'avoir ? Bah écoutez, monsieur, je vais lui laisser vos coordonnées. Je vais lui demander de vous recontacter. Merci beaucoup, Maître Felono vous parle. Un service comptabilité, on peut l'avoir, celui-là ? Bah c'est toujours monsieur Laurent Mercier. Ah, il fait le comptable aussi, d'accord. Il fait tout, il fait tout. Eh bien, vous lui dites que demain, on le rappelle sur l'antenne d'RTL pour la 3e fois. Merci beaucoup, Netovia, rue de Silly à Boulogne-Billancourt. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Emmanuel Toromanov, une dernière question. Ah, excusez-moi, ça sera pour dans quelques instants, car Bernard Sabat a peut-être quelque chose à nous dire. Oui, c'est le cas de Sandrine, Julien. Alors, Sandrine. Vous savez, Sandrine et sa boîte mail professionnelle saturée suite à une réservation d'hôtel sur un site internet, celui-ci n'arrête pas de lui envoyer des dizaines et des centaines de milliers de mails. Qu'avons-nous comme nouveau, s'il vous plaît ? J'ai reçu un texto à l'instant, Julien, je vous le lis. Bonjour, mon collègue m'a informé de votre appel, je suis le contact pour Booking.com. Je n'ai pas plus d'informations sur ce cas pour le moment. Cela va prendre quelques heures, nous revenons vers vous dès que nous en savons plus. Je vous remercie par avance de votre patience, Romain Degrange. Donc voilà. Demain, si tout va bien, le problème pourrait être réglé. Exactement. Donc, je dis à l'auditrice d'être patiente jusqu'à demain, ils sont sur le coup visiblement. Et elle n'est pas la seule, il y a quelques personnes, peut-être vous qui m'écoutez, qui recevez 10 000 mails par jour sur sa boîte professionnelle. 10 000. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, ça va faire tout sauter de toute façon. Elle ne peut plus utiliser son ordinateur. Effectivement, là, je pense qu'elle va tomber en rade d'ordinateur dans très peu de temps parce qu'elle a beau essayer d'effacer ses mails intempestifs. Chaque fois, elle a l'impression qu'elle réouvre la vanne, elle en supprime 5 000, elle en reçoit 10 000. Ouais. Donc, en fait, elle n'arrive pas à récupérer la capacité de son ordinateur et donc ça va bloquer son activité commerciale. Donc, ça va donner lieu à des dommages intérêts conséquents. Et il faut qu'il fasse attention quand même, nos amis de Booking.com, parce que là, moi, franchement, quand j'entends ça, je me dis, si je mets le pied dans Booking.com en allant voir une publicité, un truc, ça va me tomber dessus, donc j'attends que ça soit réparé. Donc faites attention quand même. Une dernière question, mon cher Emmanuel Toromanov, secrétaire général de la PST. Donc, on a bien compris que si on veut être sûr d'avoir un voyage garanti, on choisit, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit physique, une agence qui a la petite coccinelle, ça veut dire que vous avez tout vérifié, vous garantissez s'il y a un pépin. Maintenant, s'il y a un pépin, quel est le premier réflexe du vacancier qui s'aperçoit que son agence est fermée alors qu'il a payé un acompte, etc. Que doit-il faire tout de suite ? Alors, déjà tout de suite, regarder effectivement qui est son garant financier, voir son assureur, voir si effectivement sur le site d'Atout France, l'agence existe toujours. Si le garant financier est la PST, nous envoyer un email. Tout de suite, un email, vous avez un service qui permet de régler ça rapidement. On essaie de traiter. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Où êtes-vous, monsieur ? Comment peut-on vous aider ? Alors, déjà, on va se renseigner pour savoir si effectivement l'agence de voyage est en défaillance financière, pourquoi elle est fermée. Parce que bien sûr. Parfois, il y a des gens bizarres, ils prennent des vacances et ils ne préviennent pas les gens. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on est vacancier et qu'on arrive et qu'on dit bah, tiens, je vais aller chercher mon carnet de voyage. L'agence est fermée, je suis en vacances jusqu'au 15 août, revenez après. Si on est le 15 juillet, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de ces gens-là ? Alors. Dans ce cas-là, malheureusement, pas grand-chose, parce que c'est pas une défaillance financière, mais nous, on va les aider à trouver un contact. On a quand même des portables, on a des contacts au niveau de l'agence, on va essayer de les trouver pour essayer de résoudre le problème avant qu'il n'arrive. Choisissez la coccinelle de l'APST pour des vacances qui ne seront pas ratées. 10h47, vous êtes sur RTL, nous revenons sur d'autres cas dans quelques instants. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. Et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVI MCD Santé Vitalité. La complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Écoutons deux écureuils en pleine discussion. Tu sais qu'en ce moment, les humains économisent 40 euros sur les Total Pelé Premium qu'ils mettent dans leur poêle à granulés. Wow. Et en plus, ils se les font livrer au plus près de leur lieu de stockage. Et tu crois que chez Total, ils livrent aussi des noisettes ? Pouh ! T'es vraiment trop bête, toi ! Commandez vos Total Pelé Premium sur total-proxy-energie.fr. Et en ce moment, avec les prix d'été, faites 40 euros d'économie sur chaque palette. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'accessibilité en France métropolitaine, voire conditions sur le site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Alors aujourd'hui, Michel, je vais vous parler chiffres. Ah bon ? Oh non, mais c'est pas mon truc, les chiffres. Mais si, vous allez voir. Chez Carrefour Market, le troisième pack de bière blonde 16,64 est gratuit. Et c'est jusqu'au 1er juillet. Ah ben d'accord, des chiffres comme ça. Bah là oui, là je comprends tout de suite. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Le pack de 12 bouteilles de 25 centilitres. Magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Dites donc, mon gars, vous connaissez les vérandas Akena ? Bien sûr, madame là-dessous, tout le monde connaît Akena. Eh bien, je suis leur égérie maintenant. Je vais tout vous dire. D'accord. Ce sont les premiers fabricants français de vérandas. Vous n'étiez pas au courant, vous ? Non, madame là-dessous. Bah maintenant, vous le savez. Akena existe depuis plus de 35 ans. Ils ont fabriqué plus de 150 000 vérandas. Ça vous coupe la chic, non ? Oui, Chantal. Ben voilà. Akena, la reine des vérandas. Alors, il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité, bien sûr, construire un balcon, et agrandir le salon, okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 € par mois. Loyer après apport de 1 450 €, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford, Lease, Bremen et Lease, voir Ford.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est toujours la farandole des cas qui sont bloqués que nous essayons de débloquer jour après jour sur RTL. Et là, nous allons revenir sur le cas de Claudine. Claudine a envoyé 1 090 € de chèque vacances en lettre recommandée à une agence de voyage pour payer un séjour. Mais le problème, c'est que les chèques, eh bien, on ne sait pas où ils sont. Donc l'agence lui a débité ses 1 090 € sur son compte. Et nous avions appelé Thomas Cook qui devait s'occuper de ce dossier. Claudine est-elle en ligne ? Claudine est-elle en ligne ? Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, alors quoi de neuf ? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Dites-moi. Je suis très heureuse de vous informer que Thomas Cook m'a remboursé la somme de 1 090 € qui correspondent au montant des chèques vacances qui avaient disparu. Eh bien, bravo, hein, tout est bien qui finit bien, Bernard. Oui, merci à Nicolas Delors et à Louisa Rouard, ils ont été efficaces. Ils savaient que ces chèques avaient été perdus par leur service ou par la poste, peu importe. Mais pour eux, c'était essentiel, puisque ces chèques, on ne peut pas savoir qui les a encaissés. À part s'il y a une plainte, Maître Felonneau pourra vous le confirmer. Mais ceci étant dit, ce n'est pas le problème de... Mais non, ce n'est pas son problème, effectivement. Son problème, c'était de prouver qu'elle les avait envoyées. Alors, on ne va pas se filmer non plus en train de mettre les choses bien dans l'enveloppe, et coller le timbre et le mettre dans la boîte. Mais effectivement, il y avait une lettre recommandée avec les numéros de chèques. Enfin, je veux dire, c'était très précis. Voilà, ils l'ont perdu. Où ça a été volé, on ne sait pas. Bravo Claudine, merci d'avoir fait appel à RTL et bonnes vacances. Et merci à vous Julien et merci à votre équipe de choc pour ce que vous faites. Merci ma Claudine, beaucoup. Bonnes vacances. Bon, rapidement, la minute foot, donc Alain Hazard, oui. Journaliste sportif, pronostiqueur devant l'éternel, pour l'instant a loupé deux pronostics, il en tente un troisième car il a de la suite dans les idées. Quel est le gros match? Déjà, règle d'or Julien, pardon, ne pariez pas d'argent sur les pronostics. Sur les vôtres en tout cas. Match vedette ce soir. Sur les vôtres, ça c'est sûr. Alors. Match vedette ce soir, Russie contre l'Égypte. La Russie est bien partie, si elle finit première, elle pourrait rencontrer le groupe B, le deuxième, donc ça pourrait être le Portugal mais ou l'Espagne. Mais l'Égypte a la superstar mondiale. Eh oui, Mohamed Salah qui va enfin rentrer ce soir, mais bon, ça serait peut-être pas suffisant s'il y a simplement que Salah, parce que la Russie, avec la ferveur populaire, elle est plutôt bien partie. Et les Belges, ne seraient-ils pas les outsiders dans l'histoire, avec cette victoire 3-0 contre le Panama? Oui, on dirait... Hazard dans l'équipe. Oui, Eden Hazard. Eden Hazard, oui, ça ressemble vraiment à un rouleau compresseur, ils ont évité de tomber dans un piège hier, ils ont rapidement marqué, et puis ensuite, ça a déroulé le match, et effectivement, ils sont bien partis, les Belges. Vous voyez, le jour où il y aura les championnats du monde de ceux qui parlent pour ne rien dire, présentez-vous, car vous pouvez avoir une médaille. Non, c'était très intéressant. Non, mais il n'a pas donné le score. Il n'a pas donné le score pour l'instant. Pardon, Russie, Égypte, oui, on attend. Vraiment pour des andouilles. Bon, alors, plutôt 2-0 pour la Russie, mais ne pariez pas d'argent, s'il vous plaît. Ça a été enregistré, nous le rediffuserons demain. Voici celle qui cartonne et qui a changé de nom d'ailleurs. Elle ne s'appelle plus Christine and the Queens, mais Chris and the Queens. C'est vrai que ça ressemble un peu à du Michael Jackson quand on écoute comme ça. Down, dis-moi, c'est le tout nouveau titre, premier extrait du deuxième album de Chris qui sortira à la rentrée. Il est déjà sur RTL. Je me fais la nique, les mains dans le bouson. Tout mon corps me pique. C'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tac tac t'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Toucher, toucher. Je suis allé noyer ma faim puisque c'est elle qui t'a plu. Pour Stella qui sera mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Que faire? C'est une nouveauté, c'est déjà sur RTL Down, dis-moi. Nous allons faire maintenant le point info. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 9h30 en vous rappelant que vendredi soir, je suis à Bisseuil dans la Marne pour le One Man Show ce vendredi et dimanche soir, spectacle gratuit Palais Longchamp à Marseille. Point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Et nous avons démarré par le cas de Sandrine, cas hallucinant. Véritable cauchemar pour Sandrine qui reçoit jusqu'à 10 000 mails par jour d'une agence de voyage. Il s'agit de Booking.com. Elle ne serait pas la seule. Nous sommes remontés à la direction. Où en est-on maintenant, Bernard Sabat, s'il vous plaît? On nous a dit que dans quelques heures, on aurait du nouveau. On m'a demandé même la référence de réservation qu'avait faite à l'époque Sandrine. Liliane et son fils. Elle devait remplacer son fils lors d'un séjour au Maroc. Tout a été payé, même le changement de nom. Mais le problème, c'est qu'une fois arrivée sur place, eh bien, elle n'a pas pu séjourner dans l'hôtel. Nous avons une très charmante dame chez Caravelle Promo Vacances. Oui, Céline, qui s'occupe du service après-vente. Julien nous a promis qu'à la fin de la semaine, ils auraient fait une enquête auprès de l'hôtelier. Dans une semaine, en tout cas. Mais enquête ou pas enquête, ouais. Elle a payé pour le changement de nom, elle ne l'a pas eu, donc pour nous c'est plié, il faut la rembourser. Bah, évidemment, ça remonte au mois d'août, donc on laisse une semaine, mais vraiment, j'ose espérer que ça avancera avant. René, son appartement, là, ça craint. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, il est propriétaire d'un appartement et de deux locaux commerciaux, mais l'agence immobilière en charge de ses biens ne donne plus de nouvelles depuis plus de 3 mois. Il y a quand même 3 429 € de loyer impayé pour le moment. Impossible d'avoir Madame Nas pour l'instant. Xperia est à Marignane, rue Michel Jazy. Ami d'Xperia, difficile de croire que vous pouvez prendre des clients et ne pas leur reverser les loyers quand ils vous confient des biens, surtout quand ils voient qu'il y a un marchand de fruits et légumes qui est dedans. Donc merci Xperia de vite rappeler René qui essaie par tous les moyens de récupérer son argent. Eh bien écoutez, et puis nous avons aussi un cas qui traîne, c'est toujours Sophie, son plan de cuisine, Netovia, Laurent Mercier, nous le rappelons demain. A tout de suite sur RTL. C'est la fête aujourd'hui. On lave les vitres, on ouvre la fenêtre, on arrose les jolis géraniums et on fait coucou aux voisins. Youhou, coucou voisins. Chez Lapeyre, la fenêtre est à la fête avec la fête des prix bienfaits. Et jusqu'au 25 juin, on vous offre jusqu'à moins 25% de remise sur une sélection de fenêtres et baies coulissantes. Lapeyre, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapeyre.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuel souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr.